Jusqu'au 21 avril 2024, la Fondation Cartier pour l'art contemporain présente Le souffle de l'architecte, une exposition inédite de Bijoy Jain, fondateur du studio Mumbai et figure incontournable de la scène architecturale indienne. Dans cette création totale explorant les liens entre l'art, l'architecture et la matière, il déploie, en dialogue avec le bâtiment de Jean Nouvel, un espace de rêverie et de contemplation. Une expérience physique et émotionnelle à vivre à la Fondation Cartier. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Splendeur médiévale. Aliénor d'Aquitaine et les arts. Reine de France puis d'Angleterre, comtesse de Poitiers, d'Anjou, du Maine, de Touraine, duchesse d'Aquitaine bien sûr, mais aussi de Normandie, Boudiou. Voilà une belle litanie de titres. Aliénor d'Aquitaine, une femme à inscrire dans son siècle, celui d'une effervescence de création artistique, celle des troubadours, des trouvères, des auteurs, des autrices, l'amour courtois, la légende de Bretagne, la légende arthurienne, Chrétien de Troyes, Marie de France et tant d'autres. Peu de siècles, avec tant de lait, ont été si belles. Monseigneur, vous m'avez fait mander ? Marie de France. Ah, le beau nom. Celui de notre première romancière. Il est sûr que Chrétien, si merveilleux conteur soit-il, n'a pas écrit pour le simple divertissement de son public. Il veut plaire, mais instruire aussi. Trouvère du Nord et troubadour du Midi ont gardé ce caractère d'être en effet des compositeurs de musique en même temps que des auteurs de paroles, des chansonniers poètes. N'êtes-vous pas effrayé ? Dieu ne nous fera aucun mal. Si nous n'avons pas péché. Une évocation de cette effervescence artistique. Bonjour Bénédicte Milambov. Bonjour. Bonjour Cathy Bernard. Bonjour. Toutes les deux, vous allez nous parler d'Aliénor d'Aquitaine, c'est sûr, mais aussi de ce siècle. On peut tout de suite, Cathy Bernard, évoquer l'effervescence artistique du XIIe siècle. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il y a aussi bien dans le nord de la France que dans le sud de la France, du reste, une explosion littéraire portée par les troubadours, donc en Languedoc, dans le sud de la France, et par les trouvères en Languedoil ou en Languedole, dans le nord de la France. Cette explosion littéraire, elle est en chansons, hein, mais pas uniquement. Hein, plus tard, il y aura des romans, hein, qu'écrira Chrétien de Troyes, mais pas uniquement. Et cette explosion en chansons, elle est faite en langue vernaculaire, donc, et elle fait œuvre de littérature dans la mesure où, dès l'origine, la première manifestation de l'art troubadouresque, qui est celle du grand-père d'Aliénor, Guillaume IX d'Aquitaine, l'illustre Guillaume IX d'Aquitaine, on a une poésie qui, quoi qu'on veuille bien en dire, à Paris aboutit dans un raffinement de la pensée comme dans un raffinement de la forme. Vous venez d'évoquer la France, bien sûr, nous avons une carte mentale qui s'inscrit devant nous avec cette France qui n'est pas la France d'aujourd'hui, mais qui, même si elle est divisée en plusieurs entités, conserve une culture, alors peut-être pas commune, mais avec des échanges constants. Vous l'avez évoqué, hein, les trouvères, les troubadours. Ce n'est pas la même langue. Ces deux langues, Languedoc et Languedoc, sont-elles très différentes ? Alors, elles dérivent toutes les deux du latin. Donc, on a une origine commune et des points communs. Malgré tout, ce sont deux langues différentes. On a donc là, ce sont deux manières de dire oui, hein, hoc et oil. On a la langue d'oc au sud et la langue d'oil au nord. Et dans chaque zone linguistique, on a aussi des dialectes. On pense que la plupart des grands nobles comme Aliénor qui passaient d'une zone à l'autre étaient bilingues et qu'elles maîtrisaient les deux langues. Ok et oi, c'est ça, c'est oui. Oui, tout simplement. Voilà, on apprend plein de choses dans le cours de l'histoire. Avec ici une autre langue à évoquer, le latin, c'est très important. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a une langue commune à tout le monde ? Alors le latin, on y pense bien sûr du côté du clergé. Est-ce que c'est le cas à la cour autour d'Aliénor ? Ou est-ce qu'il y a d'autres langues que tout le monde peut partager ? Le latin fait aussi partie de l'exercice du pouvoir. Donc évidemment, il est à la cour. Et puis il y a tout toute une littérature, de toute façon, en latin, qui a été là pendant une très grande partie du début du Moyen-Âge. Et donc, le latin va pas disparaître, évidemment, du jour au lendemain. Il continue à être là. Et dans les courriers, dans les chartes, évidemment, il est la langue d'exercice du pouvoir. Bénédicte Milambov, vous êtes maîtresse de conférences en littérature médiévale à l'Université Sorbonne Nouvelle. Avec, c'est vrai, cette langue, c'est très important parce qu'on parle beaucoup de littérature. Il y a l'aspect très concret de la chose qui est comment transmettre ce que l'on a à dire. Il faut se faire comprendre. C'est ça aussi cette idée du XIIe siècle, c'est se faire comprendre. Tout à fait. Donc, on a jusqu'alors une vie intellectuelle qui a plutôt lieu en latin. Avec donc ces clercs, tous les intellectuels qui peuvent vivre à la cour ou dans les monastères ou les centres intellectuels de l'époque, donc qui échangent entre eux. Et puis donc à partir du XIIe siècle apparaît cette grande nouveauté qui va être le fait d'écrire en langue vulgaire, avec donc à la fois au sud et au nord, des productions littéraires qui vont être notées par écrit. Et puis toujours rechercher d'où viennent ces productions. Vous nous l'avez évoqué, ce Guillaume IX d'Aquitaine, le grand-père d'Aliénor, personnage très important dans cette histoire. L'ensemble de Kaylis qui interprète une chanson de Guillaume d'Aquitaine, Guillaume IX. Ah, c'est beau, hein? Oui. C'est sublime à entendre. Cathy Bernard, vous êtes médiéviste, maîtresse de conférence d'Occitan à l'Université Bordeaux-Montaigne. Vous êtes l'autrice des mots d'Aliénor, Aliénor d'Aquitaine et son siècle. Ce personnage, le grand-père, alors, elle l'a connu quelques années dans sa prime jeunesse, mais l'influence de cet homme dépasse sa vie, au sens où ce qu'il a pu mettre en place et créer a un écho sur les temps qui suivent. Oui, je le croyais d'emblée. Et je le crois de plus en plus en regardant les textes qui touchent Aliénor et qui touchent sa famille. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que forcément au Moyen-Âge on cite un auteur que l'on ne fait pas référence à cet auteur. Et il est manifeste qu'en fait la poésie de Guillaume IX jalonne la vie d'Aliénor, ou en tout cas des auteurs qui peuvent être reliés à elle. C'est le cas de Bernard de Vintadour, par exemple. Ce sera le cas du fils même d'Aliénor, Richard Cœur de Lion. Il est manifeste que dans les créations que l'on a conservées d'eux, certaines, pas toutes évidemment, l'influence du grand-père, l'aura poétique du grand-père a rejailli en fait sur leurs créations. Avec un paradoxe d'image entre ce grand-père poète, Guillaume IX, et puis ce duc d'Aquitaine, qui est un peu paillard, un peu grivois parfois. C'est un personnage qui a pu être assez mal compris et qui l'est encore parce que certains ont pu le qualifier de bifrons, c'est-à-dire avec une veine très, très discourtoise, qu'on peut même qualifier d'obscène parfois. Quoiqu'il faudrait peut-être nuancer en fait ce qualificatif d'obscène quand on regarde bien ces textes-là. Et de l'autre côté, la veine courtoise, celle qui est fondamentale, c'est la pierre qui permet de... C'est la première pierre à l'édifice, en tout cas telle qu'il est conservé aujourd'hui, à l'édifice de l'art troubadouresque. Et dans ces chansons courtoises, il y a la première manifestation de la fine amour, de l'amour courtois, comme on l'appelle aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas lui être retiré. Mais le paradoxe, c'est cette discourtoisie assumée d'un côté, dans les chansons, attention, bien sûr, mais pas sans doute uniquement dans les chansons. Quoique, il faudrait y avoir été pour en être sûr. Et bien sûr, donc, de cet autre côté, la courtoisie, avec un raffinement et une vision de la dame... extrêmement, extrêmement délicate. Avec l'amour courtois, qui est une expression plus tardive, hein, on peut le dire, amour courtois, mais en tout cas, ça couvre quelque chose qui tout de suite nous évoque un monde particulier. On parle plutôt de fine amour. Oui. Oui, c'est-à-dire que le mot courtoisie, bien sûr, existe. Le mot courtois, le qualificatif courtois également. Mais l'expression amour courtois en tant que telle ne se trouve pas dans les textes contemporains de Guillaume et d'Aliénor. Il faut attendre l'expression du 19e siècle, en fait, pour utiliser donc cette expression-là. Pardon. Pourquoi ils ont choisi courtois d'ailleurs ? C'est un lien avec la cour ? Ça pourrait être, oui, sans doute. Oui, puis c'est le lieu, la cour est quand même le lieu où le partage du pouvoir se fait, où le jongleur, le troubadour exprime sa création, son savoir. Alors, tout de suite, il faut vraiment souligner combien cet univers artistique est lié aux aristocrates et à la cour. On parle de Guillaume IX. C'est important vraiment de voir que c'est du monde de l'aristocratie que naît toutes ces nouvelles formes de dire les belles choses. Oui, alors la littérature courtoise, c'est vraiment une littérature faite à la cour, par la cour et pour la cour. Donc on est vraiment dans ce monde aristocratique, avec donc cette alliance un peu nouvelle entre les aristocrates et les clercs. Les clercs auparavant écrivaient un petit peu pour eux, des pièces en latin et de la littérature savante. Et puis tout à coup, ils se mettent à écrire pour cette aristocratie des cours. Et donc on va avoir des traductions, par exemple, pour les personnes qui ne maîtrisent pas totalement le latin. On va avoir des pièces d'imagination. Et effectivement, tout ça se joue dans ce milieu courtois, avec ses fêtes, ses rencontres, ses réunions. C'est une littérature qui passe par l'oral aussi. Soit la récitation, soit la lecture. Et on est dans un cadre de fêtes courtoises et de jeux de cours. Est-ce que l'on peut assister à un glissement au cours du siècle où, en partant de ce monde des aristocrates qui produisent cette littérature, qui peuvent chanter, on arrive à ce que l'on a souvent en représentation, c'est-à-dire des gens spécialisés, troubadours ou trouvères, qui vont venir faire une représentation devant les aristocrates? Il peut y avoir un système d'invitation à la cour, hein, si c'est ça le sens de votre question, c'est-à-dire qu'il y a dans la littérature même, par exemple dans le merveilleux roman de Flaminka, un roman plus tardif, hein, c'est le siècle qui suit le siècle d'Aliénor, un roman du XIIIe siècle. Au début du roman, une magnifique description de cour où l'on a cette description de la cour comme un creuset de vie et de savoir. Très vivant, et évidemment, les jongleurs sont conviés. Donc, il y a un système, évidemment, d'invitation. Voilà. Donc, oui, c'est une façon pour eux de diffuser le savoir, comme aujourd'hui, cela peut être la télévision ou la radio. Voilà, c'est leur système à eux. Oui, mais avec une vraie diffusion. Hein. Oui, on n'est pas dans un monde figé, nous sommes dans un monde où les gens se déplacent. Tout à fait, il y a une grande circulation hein, de ces artistes, même au niveau européen en fait. Hein. On a pu dire que ce 12e siècle, c'est une des premières, c'est Jacques Le Goff qui dit ça notamment, une des premières manifestations finalement de, de cette existence de l'Europe avec des artistes. Alors ça peut être des troubadours, des trouvères, mais aussi des peintres ou des confectionneurs de manuscrits et des orfèvres qui se déplacent dans toutes les cours européennes. Avec ces deux langues, hein, langue d'oc et langue d'oeil, pour ce qui est aujourd'hui la France, c'est facile à retenir hein, que la langue d'oc est au sud parce qu'il y a le langue d'oc. Ça, on vient. Alors, troubadour et trouvère, donc les troubadours, ce sont ceux du sud de la langue d'oc. C'est ça, ce sont deux formes en fait héritées du latin, hein, tropare, trouver. Mm. Et donc, au sud, on dit troubadour et au nord, trouvère. Voilà, petit point étymologie. Le troubadour, ou le trouvère, est un homme qui trouve, car son nom se rattache, comme le verbe trouver lui-même, à ce qu'on appelle les tropes. Les tropes sont des figures musicales qui varient, développent et prolongent les thèmes musicaux de la liturgie. Sur le nom gréco-latin de tropus, qui signifie figure, on a fait le verbe tropare, au sens de composer des tropes musicaux. D'où le trobar méridional et le trouvé de la langue d'Oïl, avec les substantifs correspondants, troubadour, trobadour, trouvère. Or, trouvère du nord et troubadour du midi ont gardé ce caractère d'être en effet des compositeurs de musique en même temps que des auteurs de paroles, des chansonniers poètes. Quand veille la lance ta mauvaise, de joie se la scontrera. Que s'oblida la sassase, per la dosso. Carcoliva Ailas tal senveja mendi de chi che uveja giausio meraviglia sai cardese Le cor de désir non fou. Nous venons d'entendre l'historien Mario Rock qui nous donnait l'étymologie de troubadour et de trouvère, suivi d'une chanson de Bernard de Ventadour. Bernard de Ventadour, on retrouve ce monde des aristocrates. Hein. Alors. Oui, en tout cas, c'est ce qu'on pourrait penser au nom, en écoutant le nom de Bernard de Ventadour. C'est ici une interprétation de l'ensemble La Flamma que l'on vient d'entendre de Xavier Terraza. Et la chanson de Bernard de Ventadour, c'est une des plus célèbres de Bernard. Donc, quand je vois l'alouette mouvoir de joie ses ailes contre le rayon du soleil, Bernard de Ventadour, en fait, est le nom de Bernard de Ventadour, c'est une indication géographique. Il est un de ces troubadours qui a pu acquérir, selon ce que nous savons de lui, un savoir qui normalement est dévolu à l'aristocratie, sous l'égide du seigneur véritable de Ventadour, le seigneur très célèbre Eble de Ventadour, qui est répertorié dans les textes comme étant Eble le chanteur. Mais le paradoxe fait que malgré cela, aucune chanson, en tout cas en l'état actuel des recherches, ne peut lui être attribuée. Ce qui fait que c'est Guillaume le grand-père qui est le premier troubadour dont on a conservé les textes. Donc Bernard de Ventadour est un des troubadours les plus proches d'Aliénor d'Aquitaine. Ici, ce n'est pas la chanson qu'il lui a dédiée, c'est une autre chanson. Mais on retrouve chez Bernard, dans la chanson qu'il dédie à Aliénor, cette espèce de délicatesse, un souffle tout à fait particulier qui fait que nous avons l'impression, quand on le lit, que c'est un oiseau sur la branche, Bernard de Ventadour. Donc dans la chanson qu'il lui adresse, il y a 44 chansons de conservées de Bernard. Il y a trois chansons qui, hormis les surnoms, parce qu'il y a beaucoup de surnoms dans les chansons des troubadours, trois chansons sont reliées à Aliénor et Henri II. Deux où Henri II est cité clairement et une où Aliénor est citée clairement. Dans la chanson qui est donc dédiée à Aliénor, il la nomme la reine des Normands. Ah oui, voilà, au moins c'est très clair parce que là, elle est nommée, mais souvent... Aliénor et d'autres peuvent apparaître dans ces chansons sous une belle expression, une jolie paraphrase. Alors, toujours un doute autour de qui il s'agit. Bénédicte Milambo, vous avez particulièrement étudié la cour de Champagne. Par exemple, quand on suit un personnage comme cela, Bernard de Ventadour, et que l'on regarde comment il passe de château en château, il est possible, il est envisageable qu'à un moment, il arrive à la cour de Champagne. C'est comme ça que ça se construit. Ils se font venir d'une cour à l'autre. Oui, tout à fait. Donc, il circule, il passe d'une cour à l'autre. Ensuite, on n'a pas forcément de traces dans les archives de ces circulations. On connaît mieux les circulations des souverains eux-mêmes, hein, donc ils sont eux-mêmes itinérants, qui bougent. Donc, on peut aussi penser qu'ils viennent donc quand la cour est à proximité. Je parle plutôt des écrivains de langue d'Oyle, mais on peut penser que Benoît de Saint-Maur, dont on sait qu'il a écrit pour Henri II à Aliénor, fréquentait la cour lorsque la cour était en Touraine, que Watts fréquentait la cour quand la cour était en Normandie, etc. Oui, parce qu'il faut le rappeler, hein, c'est une cour itinérante. Voilà, tout à fait. Oui, cour itinérante, c'est-à-dire qu'on repère un peu avec les Plantagenêts le territoire est vaste où ils se trouvent. Sont-ils à Londres? Sont-ils à Chinon? Et pour Aliénor, est-elle en Aquitaine? Pourquoi pas à Poitiers? Et puis, on va la voir. Voilà, donc ils bougent tout le temps et il y a même un familier de la cour d'Henri II en Angleterre, Gauthier Mapp, qui dit « Je suis dans la cour, je parle de la cour, mais je ne sais pas exactement ce qu'est la cour parce qu'elle ne reste jamais dans le même état ». Mais oui, c'est ça, c'est extrêmement mouvant. Avec des spécificités, là vous avez cité, qui ça? Weiss? Watts ou Wass. W-A-C-E. C'est ça, voilà. Qui est donc un des historiographes dont on sait qu'il a travaillé pour Henri II et Aliénor parce qu'il le dit lui-même. Et puis Benoît de Saint-Maur, qui est une autre figure alors, dont on ne sait pas grand-chose à part son nom. Et là encore, c'est une indication géographique, mais qui a aussi composé des textes où il cite... parfois indirectement, mais on pense qu'il s'agit bien d'Aliénor. Avec Raoul de Wax, en plus, on a ici quelque chose qui nous conduit en Normandie, dans ce monde de transition. Toujours la Normandie, entre l'anglais et les autres langues, entre la France et l'Angleterre. Normandie, fort et vert. Au roi Henri qui épousa Aliénor, dame de haut lignage, je veux consacrer cette première page. Que Dieu leur accorde d'aller en harmonie. Ils ne me font à la cour nullement perdre mon temps. Chacun d'eux me gratifie de dons et de promesses. Mais la pauvreté qui aussitôt prend la mer, aussitôt nage, vient souvent et souvent me fait vendre et mettre en gage. Aliénor est noble, avenante et sage. Elle fut reine de France dans la première partie de son âge. Louis l'épousa, il eut un grand mariage. À Jérusalem, ils firent un long pèlerinage. Ils en retirèrent chacun beaucoup de peine et de fatigue. Quand ils furent revenus, par un conseil de seigneur, la reine quitta cette alliance. De cette séparation, elle n'en eut, elle, aucun dommage. Elle s'en alla à Poitiers, son domaine en propre. Il n'y avait pas plus direct héritier qu'elle en son lignage. Avec elle fit un riche mariage le roi Henri, celui qui tient l'Angleterre et la terre côtière, entre l'Espagne et l'Écosse, de rivage en rivage. Ici, nous avons cette chronique du XIIe siècle. C'est formidable parce qu'elle nous résume la vie d'Aliénor. C'est très pratique. Oui, c'est assez étonnant parce que c'est vraiment l'allusion la plus détaillée, enfin la mention la plus détaillée et la plus directe d'Aliénor. Et effectivement, Vat se retrace tout son parcours. Donc c'est un texte historiographique où il évoque aussi de façon concrète les conditions de vie qui pouvaient être celles d'un clerc qui attend en fait une récompense de son travail. Alors il l'exagère peut-être un petit peu lorsqu'il fait état de son dénuement parce que les clercs avaient souvent d'autres moyens de vivre que les récompenses accordées par leurs mécènes. Mais donc on connaît un petit peu cet itinéraire de Vats. Qui est né à Jersey, qui ensuite va donc travailler pour Henri II et Aliénor, qui va écrire deux textes extrêmement importants, le roman de Brut, qui va raconter l'histoire de Brutus et qui contient l'histoire du roi Arthur, et puis le roman de Roux, qui lui est consacré à l'histoire des ducs de Normandie, donc une histoire lignagère. Et on sait aussi, parce qu'il le dit à la fin du roman de Roux, que Henri II va lui demander d'arrêter, en fait, d'écrire à son grand désespoir. Et c'est un autre qui va prendre la suite, Benoît de Sainte-Maure, et qui va écrire une chronique des ducs de Normandie. Oui, on retrouve ces échanges, hein. C'est une discussion constante. Avec, le mot a été prononcé, le mécénat, mécène. Cathy Bernard, c'est quoi ce mécénat? Est-ce qu'on peut dire que Aliénor d'Aquitaine fait preuve de mécénat? C'est-à-dire que le mot mécène peut avoir un sens très large, c'est-à-dire que soit c'est une commande proprement dite, ce qui semblerait être le cas sur l'extrait que nous venons d'écouter, un mécénat commun entre elle et Henri II. Les deux sont loués de façon tout à fait incroyable dans l'extrait. Elle, par son statut de riche héritière, d'ex-reine de France, de reine croisée, lui par sa force guerrière, mais les deux sont conjoints dans les loges de Vasse. Et il y a un mécénat moins direct, c'est-à-dire qu'en tant que grand seigneur organisateur de cour, il y a de toute façon une façon donc de réunir toutes les conditions possibles pour que les auteurs se rendent à la cour et puissent divulguer leur savoir. Donc, s'il s'agit de déterminer quelle commande aurait pu passer à Aliénor et Henri II, hormis donc ce texte-là et d'autres rares traces, c'est bien difficile de le déterminer. Par contre, ce qui est plus facile à déterminer, c'est de regarder les traces qui existent, les traces réelles, où Aliénor et Henri sont nommés clairement dans la littérature de leur époque, mais pas uniquement Aliénor et Henri, également leurs enfants plantagenêts. Donc, par exemple, si l'on regarde la création littéraire de Bertrand de Born, seigneur d'Hautefort, troubadour, grand troubadour, d'abord ennemi puis ami de Richard Cœur de Lion, il est manifeste que les enfants plantagenêts sont également liés à la littérature de leur époque. Donc si on parle de lien avec la littérature de l'époque, que ce soit en langue d'Oïl comme en langue d'Oc, il est effectivement manifeste. Quant à savoir précisément, ah, c'est dur, ça. Quelle est la part de commande et quelle est la part de lien tout simplement plus large, c'est plus compliqué. Ben, parce que pour l'historienne, au moment de trouver une dédicace, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que l'auteur dédicace dans l'espoir d'une commande future ou d'une petite récompense, ou alors est-ce que c'est vraiment une commande? Voilà, tout à fait. Parfois, on a cet espoir de récompense. Alors, pour Vats, on sait qu'il a obtenu une prébende à Bayeux, donc une charge ecclésiastique qui lui assurait des revenus plus importants que ce qu'il devait avoir auparavant. Mais dans d'autres cas, c'est beaucoup plus vague, puisque par exemple, Marie de France mentionne un roi dans le prologue de ses laits, et là, pour le coup, elle ne dit pas elle dit qu'elle l'offre, mais elle ne dit pas quelle récompense, et elle ne parle pas de commande. Voilà. Les laits de Marie de France. Marie de France. Ah, le beau nom, celui de notre première romancière, le nom qu'elle s'est donné elle-même en se présentant à ses lecteurs. Marie et nom, si suis de France. Évidemment, ses attaches avec l'Angleterre sont incontestables. N'ai-je pas retrouvé moi-même, dans la belle église de Salisbury, la tombe de son protecteur, Guillaume de Longue Épée. N'a-t-elle pas traduit de l'anglais ou de l'anglo-saxon les fables du roi Alfred? N'a-t-elle pas recueilli des traditions celtiques dans son purgatoire de Saint-Patrice, dans lequel vous reconnaîtrez le Patrick cher aux Irlandais? N'a-t-elle pas écouté et imité les bardes gallois et leur lait, dont elle cite volontiers le titre en breton? Cette femme savait du latin aussi, et pensa d'abord, nous dit-elle, en traduire, comme avait fait Chrétien de Troyes à ses débuts. Mais elle était plus attachée à la tradition nationale, avec ses fées et ses loups-garous, et au terroir vexin, où peut-être elle était née. En 1957, l'historien médiéviste Gustave Cohen évoquait les laits de Marie de France. Qui est Marie de France ? Alors, Gustave Cohen en dit beaucoup et on en sait quand même finalement assez peu. On sait ce qu'on trouve dans les manuscrits, hein, puisque comme il le dit, elle se nomme. On a plusieurs, enfin trois types de textes où elle se nomme. On va avoir donc les fables. C'est là où elle dit Marie et non si suis de France. Donc c'est un recueil de fables qu'on appelle un isopée d'après Ésope. Elle se nomme aussi dans un texte qui s'appelle L'Expurgatoire Saint-Patrice et qui raconte une navigation qui est traduite du latin mais qui s'inspire de textes celtiques. Et puis on a donc ces laits qui sont conservés dans le manuscrit Harley où elle nous dit « Oyez Seigneur, que dit Marie qui en son temps pas ne s'oublie ?» À part ces indications, tout le reste est littérature et reconstitution. Alors, effectivement, elle se nomme Marie. Elle dit qu'elle est de France. Ça veut sans doute dire qu'en fait, elle vit en Angleterre et qu'elle est originaire de France. Donc, elle met en valeur cette origine. Et on suppose qu'elle a fréquenté la cour des Plantagenets sans en avoir vraiment de preuves directes. Alors, il y a eu de nombreuses tentatives d'identification, la dernière en date étant que ce serait peut-être l'abbesse de Barking qui serait la sœur de Thomas Becket. Mais on n'a pas d'indication positive là-dessus et ce sont des propositions. Tout ça est en hypothèse. Cathy Bernard, on peut imaginer qu'un personnage comme Marie de France évolue dans la cour d'Aliénor d'Aquitaine ? Oui, on peut l'imaginer. On peut l'imaginer, mais comme le dit très bien Bénédicte, on ne peut pas faire autre chose qu'imaginer pour le coup et formuler des hypothèses. Ce qu'il y a aussi d'intéressant dans Marie de France, c'est les miroirs, le miroir des dames, pour reprendre une expression de Suzanne Méjean-Taulier quand elle, dans un de ses ouvrages sur les nouvelles occitanes, courtoises et françaises, c'est toute une série de dames et de dames liées à l'enfermement, liées à la courtoisie, qui peuvent effectivement être reliées à toute une atmosphère littéraire autour d'Aliénor, autour de la littérature de cette époque, mais on ne peut pas en dire davantage. Oui, c'est ça, c'est la modestie de l'historienne, de l'historien face à l'absence de sources et de certitudes. Malgré tout, pour travailler sur ce sujet-là, c'est-à-dire ce qui est notre propos depuis tout à l'heure, hein, les troubadours, les trouvères, cette littérature, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de textes, il y a une grosse production. On parle des laits, c'est des contes, c'est assez court, mais on a plein de productions. Ce qui est intéressant, c'est surtout de voir que ça prend des formes parfois très différentes. Voilà, donc les troubadours et les trouvères, c'est de la poésie lyrique, hein, donc chantée, accompagnée d'un instrument. Mais on a aussi des textes narratifs qui vont se détacher de la musique. Donc les laits de Marie de France n'étaient pas chantés, même s'ils ont toujours une attache à la musique, parce qu'elle dit qu'elle s'inspire de productions chantées. Mais on a aussi donc des productions narratives beaucoup plus vastes. Des textes. Alors, par exemple, Gustave Cohen disait « Marie, c'est notre première romancière », mais le terme est un peu anachronique, puisque le roman, au départ, ça désigne une langue, ça désigne toutes les œuvres écrites dans cette langue, et ça désigne aussi, ensuite, peu à peu, le genre littéraire du roman. Mais Marie n'écrit pas de roman, elle écrit des textes courts, elle écrit des fables, elle écrit un récit, et donc ce sont d'autres auteurs qui vont nous amener vers le roman. On a à cette époque les romans antiques, avec par exemple Benoît de Sainte-Maure, et puis on va avoir les romans arthuriens avec Chrétien de Troyes. C'est quoi un roman antique ? Alors, un roman antique, on dit aussi roman d'antiquité, en fait, ce sont des textes qui s'inspirent de textes antiques, donc qui sont tous composés entre 1150 et 1180, et dans ce milieu de la cour plantagenet, sans que parfois, là encore, on en sache beaucoup plus. Et ils ont pour particularité de reprendre, en fait, des textes latins qu'ils vont traduire à l'usage des laïcs. Alors, traduire à la manière médiévale, c'est-à-dire en ajoutant, en retranchant des passages et en transformant un petit peu le texte pour le mettre au goût du jour du XIIe siècle. Des textes parfois longs, parfois courts et parfois courtois. Un chevalier, jouissant des étreintes d'une amie parfaite, lui demanda de goûter les caresses d'une autre femme. Cette permission accordée, il partit et s'abstint plus longtemps que de coutume de se livrer au plaisir de l'amour avec sa première dame. Un mois après, l'amoureux revint, disant qu'il n'avait pris aucun plaisir auprès de l'autre dame et qu'il n'en avait point désiré, mais qu'il avait seulement voulu éprouver la constance de sa bien-aimée. La dame le repoussa, comme indigne de son amour, disant que le fait d'avoir demandé et obtenu une telle liberté justifiait la privation d'amour. À cette dame semble s'opposer le jugement de la reine Aliénor, qui, consultée sur cette affaire, répondit « Il est dans la nature de l'amour que souvent les amants feignent de souhaiter des caresses nouvelles, afin de mieux éprouver la fidélité de leur partenaire. Elle pêche donc contre l'amour même, celle qui, pour cette raison, refuse d'accorder ses étreintes à son amant. » Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Le traité de l'amour d'André Le Chapelain. Nous sommes à la toute fin du XIIe siècle. C'est une lecture de Frédéric Labussière dans le cours de l'histoire sur France Culture. Ce traité de l'amour, mais que cela signifie ? Qu'est-ce ? Alors c'est un texte un peu étrange, effectivement. Donc déjà c'est un texte en latin, hein, donc qui est écrit à la toute fin du XIIe siècle, par un personnage là encore dont on ne sait pas grand chose. Il se désigne comme le chapelain, donc c'est sans doute un ecclésiastique, mais il peut être aussi, enfin ça peut être tout simplement un secrétaire. Hein, et il va en fait théoriser a posteriori. Dans un traité qui imite la forme savante, toute la production des troubadours, des trouvères et aussi les romans qui l'ont précédé. Et donc il commence par définir l'amour, dans quelles conditions naît l'amour, entre quelles personnes peut se développer l'amour. Et puis il va donc insérer une série de jugements où il fait intervenir différentes dames, dont Aliénor, mais aussi sa fille Marie de Champagne et d'autres dames, une dame du Sud par exemple, Ermengarde de Narbonne. Et ces jugements sont, il faut bien le dire, quand même assez étranges, surtout ceux attribués à Aliénor en fait et à sa fille Marie. Ce sont en fait des paradoxes souvent qui attestent du goût de cette civilisation, de ce monde courtois pour la casuistique amoureuse. Il va s'agir de déterminer ce qui est bien, on va demander aux dames ce qu'elles en pensent et on prend des situations un petit peu complexes et les dames vont pouvoir s'exprimer. Mais en fait, le débat n'est pas tranché et il peut se continuer. Et donc, ce jugement qu'on a entendu, il continue aussi une forme qu'on connaît dans la poésie lyrique, qui est celle des jeux partis, c'est le terme donc du Nord, mais qu'on appelle les tanzo, les parties men au Sud, et qui là aussi en fait propose des débats avec des situations parfois toutes plus étranges les unes que les autres. Donc ce type de question, ça peut être est-ce qu'il vaut mieux aimer une femme mariée ou une jeune fille ? Ou bien, est-ce qu'il vaut mieux passer une nuit avec son amie et ne plus jamais la revoir, ou jouir de son amour toute sa vie sans jamais coucher avec elle ? Je vous laisse. On va réfléchir. Mais effectivement, les questions se posent toujours, mais alors avec des mots peut-être moins choisis. Dites-nous, Cathy Bernard, c'est très intéressant de voir comment, à la toute fin du XIIe siècle, est théorisé, on peut le dire ainsi, ce que l'on a appelé par la suite l'amour courtois, qui naît chez Aliénor, enfin par son grand-père, quelques décennies plus tôt. Oui, la casuistique amoureuse fait partie vraiment, c'est leur grande affaire. Ce n'est pas la seule thématique utilisée ou traitée par les troubadours, mais c'est la grande affaire. Et pour ce qui est d'André le Chapelain, effectivement, c'est un texte tout à fait une source pleine, enfin pour moi en tout cas, enfin pas que pour moi d'ailleurs, pleine de questions. Ce que je peux dire de mon côté, c'est que on trouve ces sortes de tribunaux amoureux dans des nouvelles occitanes du XIIIe siècle. Par exemple, une nouvelle de Raymond Vidal de Bessalut, où à la cour donc d'un seigneur catalan, Hugues de Mataplane, une sorte de tribunal amoureux en fait est créé pour trancher sur une question amoureuse. Donc, ce sont des choses que l'on trouve aussi en dehors d'André le Chapelain, donc dans la littérature occitane. Que ce que fait André le Chapelain soit une retranscription de dialogue ou de jugement qui ait eu véritablement lieu, je ne le pense pas. Par contre, comme vous le disiez, Bénédicte, je pense que c'est effectivement une transposition, une synthèse peut-être de ce qu'il a pu lire ou compiler lui-même, effectivement. Et la place de ces dames, il y a aussi Élisabeth de Vermandois, qui est en fait la nièce d'Aliénor, dans ces dames. Est-ce que c'est une façon de valoriser ces dames ou est-ce que c'est une façon de les critiquer? Le texte d'André le Chapelain est très ambigu sur la question. Et donc, pour bien savoir ce qu'est l'amour courtois, la chair même, la chair vive dans laquelle est né cet amour courtois à la fine amour, il faut revenir au début, au texte du XIIe siècle, oui. En fait, pour bien comprendre cette essence-là. Voilà. Avec ce personnage d'Aliénor qui est cité dans ce traité de l'amour, par exemple, elle est elle-même déjà un personnage, j'ai envie de dire incontournable, c'est-à-dire que elle apparaît ici et là et on doit la faire apparaître. Pourquoi ? Parce que c'est une figure majeure du siècle qui est déjà connue. On connaît très bien l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine parce que elle a été reine de France et ensuite reine d'Angleterre. Oui, c'est un personnage qui est de toute façon incontournable, de même que sa fille, du reste, hein, Marie de Champagne, qui est peut-être un peu moins connue aujourd'hui, mais qui a œuvré sans doute autant que sa mère dans les cours qu'elle a tenus pour la diffusion, bon, plutôt bien sûr la diffusion des chansons de Trouvère, évidemment, pour la diffusion donc de la création littéraire à son époque. Donc ce sont des figures comme Amergarde de Narbonne, du reste, et Élisabeth de Vermandois, qui sont des figures de femmes mécènes, en tout cas considérée comme telle, ou en tout cas considérée comme œuvrant à la diffusion de la littérature de leur temps. A-t-elle écrit, Aliénor ? A-t-on des traces de ce qu'elle aurait pu rédiger ? Elle a donc sous sa dictée, on a des chartes évidemment et des lettres, mais en tant qu'auteur, malheureusement, on n'a rien qui soit conservé. À moins qu'un surnom ait été utilisé, mais là, c'est au hasard des recherches qu'on pourrait éventuellement trouver quelque chose, mais je ne pense pas. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, malheureusement, Aliénor, pour prendre un terme occitan, n'était pas une troubadouritz, une femme troubadour. Mais on peut toujours imaginer quelque chose, parce que son grand-père, Guillaume IX, a une sacrée réputation. Et puis, on va dire que ça se transmet peut-être. Faut regarder du côté des enfants. Avez-vous fait bonne traversée ? La Manche s'est-elle ouverte en deux pour vous ? Elle s'est calmée quand je le lui ai ordonné. Je n'ai pas songé à lui en demander davantage. Quelle gentillesse est la vôtre de me faire sortir de ma geôle. C'est seulement pour les fêtes. Comme une écolière, vous me rajeunissez. Or, que j'ai de beaux enfants. Jean, vous êtes si soigné et si élégant. Je vois qu'Henri a grand soin de vous. Et Richard, chassez cet air lugubre, il fait paraître vos yeux petits et porcins et vous donne un air de mollesse. Già nul son pris, non dira sa razou, Adricam min sicum hom dulens nu, mais per cun orde uom faire chansu. Brunae damis, mas paupres un lidu, anc salures si per mare sensu, est audus iverns pris. Or sapsum biem iome miei barru, engles nur mam pita viegascu, qui nunae mia si paure compagniu, quiu per aver lulaistes em prisu. Nun udig mia per gap si per vernu, e so car suigi pris. Le film « Un lion en hiver » d'Anthony Harvey en 1968 avec Catherine Hepburn, suivi d'une chanson de Richard Cœur de Lion, évocation dans le film Un lion en hiver de Richard Cœur de Lion, suivi d'une chanson de Richard Cœur de Lion. Quelle réalisation, oui, mais c'est Thomas Beau dans Le cours de l'histoire sur France Culture avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson. Cathy Bernard, Richard Cœur de Lion, qui compose, qui écrit? Oui, peu de chansons de Richard sont conservées. Et ces chansons présentent une particularité linguistique, en tout cas des difficultés linguistiques particulières. L'une d'entre elles est dans une langue hybride entre de l'occitan et du français. Et celle que nous venons d'entendre interprétée donc par David Zubeldia de l'ensemble La Flamma est une transposition en occitan, sans doute d'un original français. Donc Richard, comme son frère Geoffroy, semble préférer la langue d'Ovil quand il s'agit de composer. Mais ça ne les empêche pas de connaître la langue d'Oc si l'on en juge par les textes qui gravitent autour d'eux. Quand Richard compose cette chanson, il est prisonnier de l'empereur romain germanique Henri VI de Hohenstaufen en Allemagne à son retour de croisade. Et il se met d'une certaine manière dans la mouvance de son arrière-grand-père. Oui. Ouais, c'est bon. C'est Guillaume IX d'Aquitaine, qui en son temps, au moment où il pensait que la mort allait le frapper, avait lui-même composé une chanson destinée donc à son suzerain, le roi de France. Donc c'est une chanson messager, si vous voulez, c'est une chanson message qui montre à quel point la chanson n'est absolument pas quelque chose de enfin, un art complètement essentiel pour leur monde, puisque dans cette chanson, il demande bien sûr à ses vassaux, à ses barons, d'aider à la réunion de la rançon formidable qu'a demandé Henri VI de Hohenstaufen pour la libération du roi. Et donc, il se met vraiment dans la peau du grand seigneur poète, modèle créé par Guillaume IX d'Aquitaine, encore lui. Oui, on voit ces différents genres qui se mettent en place entre les laits. On évoque ce type de littérature, mais qui a vraiment une vocation là pour la postérité, pour asseoir sa posture. Et puis, il existe dans ce 12e siècle, Bénédicte Milambov, autre chose. Mais alors là, qui va atteindre une postérité gigantesque, c'est ce qu'on appelle la matière de Bretagne, c'est la légende arthurienne. Voilà, tout à fait. Et donc la matière arthurienne, elle se développe en lien avec cette cour Plantagenet, à travers le roman de Brut, de Watt, dont je parlais brièvement tout à l'heure, qui donc constitue l'histoire des rois de Bretagne depuis les origines. Donc Brutus, arrière-petit-fils d'aîné, puisqu'il y a ce mythe des origines troyennes de l'ensemble en fait des royautés du monde occidental. Et puis Watt déroule le cours des rois bretons en dédiant une large part à Arthur, et il traduit en fait une œuvre en latin de Geoffroy de Monmouth en insistant sur cette cour arthurienne, sur le côté courtois de la cour. Donc on a cette œuvre extrêmement importante. Et puis on va avoir tous les romans de Chrétien de Troyes. Alors le lien de Chrétien de Troyes et d'Aliénor d'Aquitaine n'est pas direct, puisque alors ce dont on est sûr en revanche, c'est qu'il travaille donc pour la fille d'Aliénor d'Aquitaine, Marie de Champagne, puisqu'il le dit dans le prologue du Chevalier de la Charrette, et il dit même que c'est Marie de Champagne qui lui a, là pour le coup, passé commande et donné le sujet. Donc on parlait de l'activité littéraire des enfants d'Aliénor, on a parlé de Richard. Marie de Champagne donc n'écrit pas elle-même, mais elle donne le sujet à Chrétien. Avec, c'est sûr, un désir absolu de la part des Plantagenets, en tout cas d'Henri II, de s'inscrire dans une histoire, alors là, légendaire, mais de cette légende arthurienne. C'est toujours signifiant de voir comment un sujet est mis en avant à un certain moment. Alors voilà, donc ça concerne le côté, donc c'est surtout l'œuvre de Watts, mais l'œuvre de Chrétien III, en fait, le lien avec les Plantagenets est assez discuté. Puisque donc Marie de Champagne est la fille d'Aliénor d'Aquitaine, mais la fille en fait de Louis VII. Elle n'est pas directement liée au milieu plantagenet. Alors on dit toujours ce sont les enfants d'Aliénor, il y a une sorte d'hérédité. En même temps, Marie de Champagne, vous en conviendrez, est aussi la fille de son père, et Louis VII n'avait pas spécialement d'appétence pour la littérature. Donc ce goût des princesses pour la littérature, ce tropisme vers la légende arthurienne, il est partagé en fait par l'ensemble des cours. Et donc le lien avec les Plantagenets peut exister, mais en fait Chrétien contribue indirectement à cette valorisation de cette figure d'ancêtre mythique que va constituer Arthur. Et puis ce sont des sujets qui plaisent. De manière très concrète, c'est ça aussi qui met en avant certains aspects, c'est qu'il y a un public qui attend cela. Oui, exactement. On sait que même les moines, on a certaines déclarations qui disent que pour réveiller les moines un peu endormis pendant un sermon, il faut se mettre à parler d'Arthur. Et là, tout à coup, tout le monde écoute. Et la légende arthurienne plaît dans tous les milieux. Oui, c'est encore le cas aujourd'hui. Et puisque nous réfléchissons à Aliénor d'Aquitaine et les arts, et on l'a dit, enfin vous nous l'avez expliqué, Cathy Bernard, c'est vrai qu'il n'y a pas d'écrits, sinon les écrits liés à son statut de souveraine. Mais on a parfois, et ça c'est très intéressant, les réponses à sa correspondance. Lettre de la célèbre abbesse et philosophe Hildegarde de Bingen à Aliénor d'Aquitaine pour la soulager de sa captivité. Écrite entre 1173 et 1189. Votre esprit est comme un mur couvert de nuages, et vous regardez partout, mais vous n'avez aucun repos. Fuyez cela et atteignez la stabilité auprès de Dieu et des hommes, et Dieu vous aidera dans toutes vos tribulations. Que Dieu vous accorde sa bénédiction et son aide dans toutes vos œuvres. Aliénor d'Aquitaine, après avoir été mariée à Louis VII, roi de France, se marie à Henri II, roi d'Angleterre, mais elle se révolte contre son mari anglais, ce qui la conduit en captivité, ce qui lui permet d'avoir du temps pour écrire, et notamment ici, cet échange, j'entends une histoire très féminine dans ce XIIe siècle, qu'il s'agisse des autrices, qu'il s'agisse des souveraines, des abbesses. C'est l'amour courtois, bien sûr, que l'on met en avant, mais c'est pas simplement l'amour courtois pour dire l'amour courtois. C'est vraiment une histoire, pas dire genrée, mais enfin où les femmes ont une place très importante. Oui, manifestement, oui. Oui, oui. Elles ont en tout cas leur place dans la diffusion de la culture, ou dans la même, peut-être, la pensée de la construction d'une culture. Mais ça, ce sont des choses que nous n'avons pas. Nous n'avons malheureusement pas d'écrits de ces femmes réfléchissant à la manière dont elles pourraient créer une culture, que ce soit pour leur territoire ou pour leur État. Mais il est manifeste que, oui, dans la place culturelle des femmes est indéniable, et ce n'est pas, comme on pourrait le penser malheureusement, simplement une image poétique. C'est autre chose qui se met en place. Et dans la légende arthurienne aussi, place des femmes importantes. Oui, alors on a des personnages comme la reine Guenièvre. Effectivement, déjà, donc c'est une littérature où on va trouver des histoires d'amour, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans les chansons de geste qui ont été écrites avant. Donc on a, en fait, donc la Fina Mort, elle est construite sur un modèle féodal qui va placer la dame en position de suzeraine, avec donc un poète amant, puis des chevaliers amants dans les romans qui vont être tout dévoués à leur dame et entièrement soumis. Donc on a une sorte d'inversion des rapports sociaux où on pouvait penser par exemple que la femme était soumise à son époux. Ici, la dame est en position de pouvoir. Donc effectivement, au moins littérairement, on a ce changement qui s'effectue. Ensuite, quant à savoir dans la réalité historique quelles ont été les conséquences en fait de cette promotion de la femme dans les fictions, c'est un petit peu plus difficile à déterminer. Et on remarque quand même que la figure d'Aliénor reste extrêmement liée à celle d'Henri et que c'est souvent avec elle, avec lui, qu'elle est désignée. Et on reste dans des rapports de pouvoir où on entend surtout aussi la voix des hommes. Hein. On a vu beaucoup Aliénor citée et comme on disait, elle ne s'exprime jamais directement. Oui, il faut se méfier de nos propres représentations et puis de la loupe que l'on met sur un personnage, sachant que, et vous le dites avec beaucoup de justesse, Henri II est toujours présent à ses côtés. Merci beaucoup à toutes les deux, Cathy Bernard, Bénédicte Milamboff, de nous avoir présenté ce monde du XIIe siècle, cette création, cette effervescence, avec Cathy Bernard, hein, les mots d'Aliénor, Aliénor d'Aquitaine et son siècle, et puis nous, Aliénor, parce que oui, c'est un peu nous aussi quand même. Et merci beaucoup à Bénédicte Milamboff, avec toute une réflexion à avoir sur cette légende arthurienne. Nous attendons votre demoiselle arthurienne. Merci beaucoup à toutes les deux. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel, c'est le pourquoi du comment. Pourquoi revisiter le Paris du XIXe siècle ? Paris, capitale du XIXe siècle, est un livre de Walter Benjamin, publié à titre posthume en 1982. Ce philosophe allemand, ayant dû fuir le nazisme, s'était installé à Paris en 1933 pour se lancer dans un projet d'écriture dont le but était de noter l'ambivalence des traces que nos prédécesseurs nous ont léguées afin d'y repérer des possibilités de vie qui ont avorté ou qui ont échoué. Dans son « Histoire de Paris, capitale dès XIXe siècle », paru en 2021, l'historien Christophe Charles adopte une perspective qui s'apparente à celle de Walter Benjamin. Le pluriel adopté pour le mot « capital » et pour « XIXe siècle » indiquant, dès le titre, la volonté de déconstruire la vision stéréotypée que les images d'Épinal ont fixée de la métropole parisienne. Mais dans son ouvrage, ce sont les outils de l'histoire sociale qu'il mobilise pour se lancer dans un parcours qui privilégie trois grands moments. Le premier couvre la période qui s'étend quasiment sur un demi-siècle, depuis la chute de Napoléon Ier jusqu'à l'avènement de Napoléon III. Au cours de ces décennies, la ville de Paris a connu une croissance phénoménale de sa population, illustrée par l'afflux d'une multitude de migrants que l'on ne distinguait pas encore par leur nationalité. Nous sommes toujours dans un monde où la séparation des classes n'est pas complètement fixée dans l'organisation de l'espace. Au sein des mêmes immeubles, c'est encore l'étage qui correspond au statut. Mais les progrès d'une économie libérale, reposant sur la loi de l'offre et la demande, alimentent des tensions qui s'observent non seulement dans les ateliers des petites entreprises, mais aussi dans le monde des lettres auquel rêvent d'accéder les autodidactes provinciaux. Toutes ces discordances expliquent que le Paris des Révolutions, né en 1789, se soit prolongé jusqu'en 1848. Le deuxième grand moment qui caractérise le Paris du XIXe siècle débute avec le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851. C'est notamment en restructurant l'espace urbain que les dominants sont parvenus à rétablir l'ordre dans la capitale. La politique urbaine, impulsée par le baron Haussmann, le préfet de Paris, n'a fait qu'aggraver les tendances déjà amorcées dans les décennies antérieures. Désormais, le clivage de classe se déploie autour d'un axe horizontal séparant les beaux quartiers de l'Ouest et les quartiers populaires de l'Est. La Commune de Paris apparaît ainsi comme l'une des plus dramatiques conséquences de cette ségrégation sociale. La troisième période dans l'histoire de Paris au XIXe siècle débute quand la ville est devenue la capitale de la Troisième République. Christophe Charles mobilise des recherches comparatives qu'il avait réalisées auparavant sur les grandes capitales européennes pour souligner que Paris est restée une ville qui n'a pas les moyens ni l'autonomie ou la volonté pour s'attaquer à certaines des maladies sociales ou sanitaires que d'autres capitales européennes ont mieux su éradiquer qu'elle. Malgré sa tour Eiffel et ses expositions universelles, le Paris des avant-gardes est resté aussi, pour une large part, la capitale des gens pauvres, comme c'était déjà le cas au début du siècle. Merci Gérard Noiriel, big up Christophe Charles. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec Anthony Thomasson à la technique et préparée par Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Toscane Viudès, Mathieu Copal et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.